Bonjour et bienvenue sur le podcast Horitac. Horitac, c'est le top Horicon version radio-anime. Ce mois-ci, on va s'intéresser aux meilleurs openings et génériques des animes de sport. Allez, c'est parti pour le numéro 20 avec But pour Audi. Alors les otaku, vous êtes prêts à mettre votre casque, démarrer votre moto pour une escale sur le numéro 19, à plein gaz, sorti en 1984, pendant la période du Club Dorothée. Toujours, toujours à plein. Arrivé au stade des Seven Fighters. Pour ce numéro 18, Jeanne et Serge, sortis en 1987, toujours pendant la période du club Dorothée. Après avoir joué au volet, que diriez-vous d'enfiler chaussures et crampons avec ce numéro 17, l'école des champions, sorti en 1992, animé que je regardais étant jeune car il y avait Benjamin et Eric, deux stars du football. Donne tout ton cœur.

畜生の顔めがけ、叩け叩け叩け、おいらにゃ獣の血が騒ぐ。だけどリリリリリリリリリリリ、明日はきっと何かある。明日はどっちだ。 Peu de temps après d'être arrivé à notre hôtel, un groupe d'enfants nous propose de les accompagner sur une place pour présenter le top 5, en commençant par Inazuma Eleven, sorti en 2008. Don't stop.

Recevant un coup de téléphone d'un ami me demandant de le rejoindre dans un parc avec un gant de baseball pour me présenter le numéro 3, Eyes of Diamond, sorti en 2013. Demain, après une nuit de repos, lors d'un journal, nous apprenons la mort de Kim Brendel. Vous l'avez deviné, pour ce numéro 2, on va parler de Théo ou la batte de la victoire, sorti en 1985. <musique> 何も解けなくなるの星屑ロンリネス。きっと愛する人は大切にして知らずに臆病なのね。落ちた涙も見ないふり。すれ違う知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは。真剣な目をしたから、そこから何も聞けなくなるの星屑ロンリネス。誰も愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは。 Défonce-toi, tu vas, Il faut apprendre à te défendre. C'est la victoire quand Théon mène la bagarre. Et tout éclate quand Théon frappe la batte. C'est la victoire. Au revoir le Japon, retour en France avec le grand gagnant du mois, Olive et Tom, sorti en 1983. Et on se retrouve juste après pour les remerciements. Une passe, un crochet et on a...